Il dansait comme on fait l'amour. Il glissait sur le bord du jour. Et moi, je perdais mon tour. Il dansait la série des slows. Il passait l'heure de cœur au chaud. Je leur faisais un beau cadeau. Elle s'en va. Elle s'en va de moi. Devant mes yeux éclate leur plaisir. On voit quand l'amour va mourir. Elle s'en va. Elle est loin déjà. Mais elle ne sait peut-être pas encore que tout finit avec l'aurore. Il dansait entre ciel et terre, s'en aller, crier ou se taire. Il n'y avait encore que tout finit avec...